tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'un kilo d'oignons jaunes origine France à seulement 79 centimes. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, calibre 50-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. En raison du contexte sanitaire, notre série sur le corps féminin est exceptionnellement et temporairement interrompue. Elle sera reprogrammée dès que possible. En attendant, et pour patienter, je vous propose d'apprendre à devenir vertueux avec Jean Kelevitch. Voilà une question que je me pose chaque matin. Comment commencer ? Par où commencer ? Quel commencement va donner envie, va vous donner envie de rester avec nous, mon invité et moi, le temps d'une heure ? Et puis, Jean Kelevitch, qui murmure à nos oreilles, il faut commencer par le commencement. Et le commencement de tout, c'est le courage. En d'autres termes, quand il s'agit de commencer, nous sommes tous, chaque jour et chaque fois, des débutants absolus. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Bonjour Yoann Barbereau. Bonjour Anne Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous aussi vous vous sentez débutant en commencement ? Oui, oui, oui. Et puis cette manière de commencer avec David Bowie me ravit. Bah, ça laisse le temps de se préparer pour savoir comment commencer. C'est Jean Kelevitch qui le dit, il faut commencer par le commencement. Et le commencement de tout, c'est le courage. Pourquoi commencer implique-t-il du courage en fait ? Sans doute, ce qu'il dit aussi, c'est que le courage, ce n'est pas seulement une vertu, c'est la condition de réalisation de toutes les autres vertus. Alors je sais que se sont succédés toute la semaine les porte-paroles des différentes vertus que Jean Kelevitch personnalise. D'ailleurs, moi c'est ça que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que les vertus sont des personnes. Ce texte, c'est le traité des vertus qui nous a accompagnés toute cette semaine. On a parlé de sincérité mardi. Et hier, c'était la gratitude. Et donc aujourd'hui, le courage. Voilà, alors chaque porte-parole, à chaque fois, a répété que la vertu qu'il venait présenter était quasiment cardinale. Mais le mot cardinal, je crois qu'il l'utilise uniquement pour le courage. Le courage, alors quand il dit que c'est la condition de réalisation de toutes les vertus, c'est quand même très fort. Enfin, moi, ça me... il dit des choses encore plus fortes que ça. J'avais noté cette petite phrase là. Toutes les vertus ont besoin de ce beau courage sans lequel elles seraient chétives, inutiles, peureuses, impuissantes. C'est ça. Toutes les vertus ont besoin d'être encouragées par le courage, dit-il. Mmh. Alors, moi, j'adore cette manière de formuler. Ça me parle. Ouais. Comment avez-vous rencontré ou commencé à lire Jean Kelevitch, Yoann Barbereau ? À un moment, je dois vous l'avouer, où je quittais la philosophie. Donc vous aviez commencé des études de philosophie? J'ai fait des études de philosophie, oui, que j'ai menées assez loin. J'ai commencé une thèse. Et puis à un moment, j'ai commencé une thèse qui était orientée vers l'Ouest. Je travaillais sur la philosophie pragmatiste, sur l'art comme expérience de John Dee, ouais, en particulier. Et puis je voulais quitter ça, faire autre chose en fait. C'était l'appel d'un ailleurs. J'ai eu plaisir à étudier la philosophie, mais j'étais aussi dans ce moment où, c'est le moment où je suis parti en Russie, on en dira peut-être quelques mots. Et c'est le moment où, en tout cas, intellectuellement, je cherchais à en sortir de la philosophie ou à lire des philosophes non systématiques, comme Jean Kelevitch, qui sont impossibles à résumer, qui considèrent que la tâche de la philosophie, c'est de s'approcher de l'impalpable, ce qui est peut-être aussi la tâche de l'écrivain. Tout ça me parlait. Voilà comment j'ai rencontré Jean Kelevitch. De manière plus précise, d'ailleurs, je l'ai rencontré à travers un autre russe. Non, Jean Kelevitch n'est pas russe, il est d'ascendance russe. Mais c'est en lisant beaucoup Léon Chestov que je suis tombé sur Jean Kelevitch, qui, on saute de lecture en lecture, dans un entretien, Jean Kelevitch dit quand même que Léon Chestov, ça a été sans doute le philosophe qui a le plus compté pour lui. Je suis passé de Chestov à Jean Kelevitch, et puis je suis parti en Russie. Vous êtes parti en Russie. Vous avez écrit un livre, Yann Barbereau, qui s'appelle « Dans les geôles de Sibérie ». D'ailleurs, le sous-titre, la citation qui est en exergue, c'est « Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire ». Clin d'œil sans doute assez évident à Wittgenstein, oui, qui dit « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Vous voulez l'écrire, c'est déjà tout un parti pris, dans lequel vous racontez comment, alors que vous travaillez à l'Alliance française, un matin, vous êtes arrêté par des hommes cagoulés. C'est le 11 février 2015. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté. Vous comprenez que c'est sans doute un coup monté. Va s'en suivre, et vous le racontez dans le livre, deux moments d'incarcération en prison, vous vous évadez, puis à l'ambassade française qui ne peut pas vous faire rentrer dans le pays, et là vous vous évadez à nouveau. Et dans ce livre, qui est le récit d'une incarcération multiple en fait, et d'une double évasion, Jean Kelevitch tient un grand rôle. Oui, alors un grand rôle, c'est peut-être beaucoup dire quand même, hein. Mais il tient un rôle qui est un petit peu secret, puisque je ne le mentionne pas. Je cite pas le nom de Jean Kelevitch. Je lui ai piqué une phrase quand même. Quand on y pense, il est beaucoup plus présent que ça quand même, hein. C'est pas juste le fait que son nom apparaisse ou pas, c'est qu'il y a tout un esprit derrière. Oui, mais alors peut-être, mais ce qui m'a troublé, moi, c'est que vous m'avez invité pour ça et j'en étais pas conscient à ce point-là. Et surtout, en lisant, relisant, je suis pas sûr, à vrai dire, de l'avoir lu, ce passage sur le courage. J'ai lu un peu le Traité des Vertus, il y a une quinzaine d'années. Le passage sur je l'avais lu, mais j'en suis pas certain. Et en le lisant ou le relisant, j'en suis pas certain parce que j'ai perdu une partie de ma bibliothèque. Et si j'avais vu je sais pas si j'ai lu ce livre ou pas exactement, ces passages-là. Mais en relisant des passages pour discuter avec vous ce matin, j'ai été en fait très troublé, oui, de certaines proximité même de, sans doute dans la manière de dire. Par exemple c'est un texte qu'on doit entendre, je crois. On va l'écouter. Là, mais, le texte de Jean Kelevitch définit quel courage. Oui, c'est ça, vrai, le courage. Texte. Ben, on l'écoute. Écoutons-le. Notre courage se prive des facilités du bonheur. Et il démolit volontairement le confort avilissant que les hommes doivent à la flagornerie, à la basse popularité et à l'esprit de commodité. Il détruit la fausse et fragile et répugnante paix du mensonge, pour mettre à la place sa propre paix, sa paix de fortitude. Car celui qui est prêt à tout risquer, et même la vie, à tout braver jusqu'à la mort, celui-là cesse de se débattre dans les transes de l'inquiétude. Il ressemble à Ivan Ilitch qui trouve subitement la paix de vérité et de simplicité le jour où il cesse de se cramponner fiévreusement à la vie, où il dit enfin oui à sa grande douleur mortelle. La tranquillité d'âme en première ligne, aux hommes de l'arrière, l'insécurité, l'insomnie et le tremblement. Ceci est juste. Puisque les coquins ont voulu signer trop vite leur paix honteuse, il est juste et brave qu'au moindre bruit, le nez leur saigne de terreur. Être brave, au contraire, c'est avoir le dessus, même s'il faut finalement succomber. La menace terrifiante est prise ici à la gorge, sommée de se découvrir et de dire son vrai nom. Le diable ne peut pas nous faire mal, mais il peut nous faire peur. Le brave conjure par sa bravoure cet envoûtement de la frayeur. Comme lui, gardons-nous simples, pauvres, nus et sans arrière-pensée, indifférents aux détails mesquins, pour que le diable crève de notre innocence et de notre courage. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du traité des vertus de Jean Kilevitch. Aujourd'hui, dernière vertu, enfin dernière vertu de la semaine, le courage, en compagnie de l'écrivain Johann Barbereau. Le texte que nous venons d'entendre, lu par Vincent Schmitt, est vraiment magnifique. Toutes les pages de Jean Kilevitch sur le courage en particulier sont très très belles, magnifiques et très riches. Commençons par cette distinction, il distingue le courageux de ce qu'il appelle un coquin, au fond, qui est un faux courageux. Oui, le courageux, le coquin, mais j'ai presque envie de commencer par la fin, là, parce que c'est, en fait, alors c'est la fin, le passage qu'on entend, là, c'est la fin de ce passage où il parle du courage. Et il faudrait le lire encore plus longuement, je pense, pour voir un peu la montée musicale, l'espèce de crescendo incroyable de ce texte, qui finit quand même, mais par des phrases, mais d'une puissance. Gardons-nous simples, pauvres, nus et sans arrière-pensée, indifférents aux détails mesquins pour que le diable crève de notre innocence et de notre courage. Et moi, ce que j'entends là-dedans, c'est pas du tout des effets de style. Là, je pense que Jean Kilevitch, il est en train de nous parler de son expérience, de ce qu'il a vécu, sans doute de son expérience de résistant pendant la guerre, dont il a pas trop parlé parce qu'il est humble, parce que le courage n'a pas besoin de se raconter dans les détails. Mais ça, je suis certain que c'est des traces de ça. Si on prend le texte un tout petit peu avant, d'ailleurs, il y a des petits indices. Et ce que je crois, c'est ce qu'on entend là, c'est des traces de l'homme qui, juste avant de passer à l'action, qui a besoin de conjurer le diable. C'est ça, on n'invoque pas le diable, surtout Jean Kilevitch, comme ça, gratuitement et pour rien. C'est qui le diable ici alors ? Il est en train de conjurer le diable. Alors, le diable, c'est la peur. Ça serait la peur qui va nous tétaniser, parce que ça me fait penser aussi à, je l'ai noté là d'ailleurs en russe, «Nietak strashin chotka kivo maluyut». Dit un proverbe russe, le diable n'est pas aussi terrible qu'on le dépeint. Et ça, c'est peut-être ça qu'il est en train de dire d'ailleurs. N'ayons pas peur du diable, en fait, parce que c'est ce qu'il dit là, il peut pas nous faire mal. Le risque, en fait, c'est d'être tétanisé par la peur. Ouais. Mais une fois qu'on a réussi à surmonter cette peur, dit Jean Kilevitch, eh bien, on peut y aller. C'est l'instant du courage qui arrive. Mais il a besoin de cette scansion. Moi, je crois que c'est peut-être. Alors, j'ai dit dans le livre comment, à des moments de ma vie ou de mon expérience, et où au moment de passer à l'action, moi, j'ai besoin de ça parfois aussi, de scander quelque chose, de trouver du courage dans un texte. Et le moment où on l'écrit, ça, eh bien, on revient en fait un peu. On écrit au présent le futur là de ce qui va nous arriver. Et c'est exactement ce que je retrouve dans Jean Kilevitch. J'ai pas repris parce que j'allais pas faire des comparaisons avec mon propre texte, mais je me sens d'une proximité incroyable avec ce moment-là qui, encore une fois, est, je crois, un moment puissant de philosophie. Parce que c'est l'expérience qui parle. Et c'est pas juste l'analyste de concept. Et c'est ça que je cherche chez Jean Kilevitch. Ce qu'il y a de très beau dans ce texte, c'est qu'il montre que celui qui est courageux est celui qui est prêt à affronter tous les risques, qui donc n'a pas peur du diable. Et paradoxalement peut-être, c'est celui qui ne sera plus inquiet. Au fond, être courageux, c'est dissiper l'inquiétude. Comme si l'inquiétude naissait de l'inertie et non pas de l'acte courageux lui-même. Ça, c'est formidable d'arriver à distinguer ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a deux choses dans ce qu'il dit là. Il y a deux choses importantes aussi. C'est la question de la mort. Il n'existe pas de vrai courage pour Jean Kilevitch s'il n'y a pas le sous-entendu de la mort, dit-il, ou le risque de la mort. Il y a un double risque, en fait. C'est la mort. Bon, voilà. Ça va se finir vite. Mais sinon, c'est le risque d'être tétanisé par la peur. Et ce que vous étiez en train de dire là, le moment où on a réussi à surmonter ça, eh bien finalement c'est une forme de paix et de joie même. Alors lui il parle aussi de joie. C'est là que je me suis retrouvé aussi. Ouais. J'ai décrit, et je sais que je me rends incompréhensible à certains parfois, en parlant de la grande joie qu'on ressent à prendre des risques. Il le dit exactement comme ça d'ailleurs. Mais ça c'est l'expérience qui peut l'expérience du risque de la mort. C'est de ça dont on parle. Et ben en fait peut rendre joyeux, incroyablement libre. Et la joie vient d'où? Ben, ce qu'il dit là, je crois, la joie de mettre fin à la répugnante paix du mensonge, à la lâcheté, la joie de se dégager. Alors pour moi, hein, des accusations ignominieuses qui pesaient sur moi, la joie en fait de sortir de la boue. C'est quelque chose comme ça. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les occasions du courage sont très fréquentes et que le courage n'est pas nécessairement physique et ne s'attache pas nécessairement à des situations exceptionnelles comme celle dans laquelle nous nous sommes trouvés entre 40 et 44, surtout les gens de la catégorie à laquelle j'appartiens et dans les circonstances où je me trouvais placé. Et depuis la fin de la guerre et dans la longue période qui a commencé en 45, en 44-45, les occasions du courage sont également extrêmement nombreuses. À vous dire vrai, je ne sais pas si j'ai parlé du courage d'être soi-même, mais je crois que c'est un peu métaphorique. On peut dire que je suis sincère avec moi-même, mais par manière de dire, n'est-ce pas ? Parce qu'il manque à cette sincérité l'élément essentiel qui est l'opinion d'autrui, qui est le courage par rapport à autrui. Une sincérité qui n'implique pas de courage, vous me direz, il faut du courage pour s'avouer ce que l'on est. Mais en réalité, je le sais ce que je suis. Donc il n'y a pas de courage spécial à le reconnaître ou à le professer, je le sais déjà. Au fond, le véritable courage, comme la véritable sincérité, implique toujours la référence à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et les occasions du courage, elles naissent dès le moment où je suis obligé de répondre par oui ou non en engageant quelque chose, n'est-ce pas ? En compromettant quelque chose. Et ces occasions sont assez fréquentes depuis la guerre. L'arrestation. Est-il besoin de dire que c'est une cassure de toute votre vie ? La foudre qui s'abat sur vous. Un ébranlement moral insoutenable auquel certains ne peuvent se faire, qui bascule dans la folie. Le monde recèle autant de centres qu'il compte d'êtres vivants. Chacun de nous est le centre du monde, et l'univers se fend en deux lorsqu'on vous jette dans un sifflement. Vous êtes arrêté. Si vraiment vous êtes, vous, arrêté, se peut-il que quelque chose reste encore debout après ce tremblement de terre ? Mais leur cerveau enténébré les rendant incapables de comprendre ces chambardements de l'univers, les plus subtils comme les plus simplets d'entre nous restent bouche bée. Et de l'expérience de toute une vie, ne trouvent rien d'autre à extraire que « Moi ? Pourquoi ?» Question répétée des millions et des millions de fois avant nous et qui n'a jamais reçu de réponse. Terminé. Arrêtez. Vous êtes arrêté. Et rien, vous ne trouvez toujours rien d'autre à répondre que ce bêlement d'agneau. Moi ? Pourquoi ? L'arrestation en un instant, de façon stupéfiante, elle vous transporte, elle vous transplante, elle vous transmue d'un état dans un autre état. Voici ce qu'est l'arrestation. Une lueur aveuglante et un choc qui, en une seconde, refoule le présent dans le passé et font de l'impossible un présent à part entière. Le courage implique un rapport au temps, on l'a entendu Yoann Barbereau, puis on va y revenir, hein. On a commencé avec le commencement, le courage c'est le courage de commencer, tout acte de commencer implique du courage. Qu'en est-il de l'arrêt, de la suspension de ce devenir que décrit Jean Kelevitch? Il ne cesse de dire que le devenir est irréversible, le temps est irréversible, il nous échappe et sans cesse il avance. Pourtant, le mot d'arrestation montre bien qu'il y a comme une pause qui est marquée. J'ai lu un extrait de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn qui décrit donc cette arrestation que vous citez au début de votre livre « Les geôles de Sibérie ». Oui, je le cite et en entendant cet extrait, je pensais aussi, en lien avec notre discussion, à Chalamov, que je cite aussi beaucoup, qui est l'autre grand écrivain du Goulag, hein, qui a écrit les récits de la Kolyma. Et qui lui dit que ça compléterait parfaitement le texte de Solzhenitsyn. Le moment de son arrestation, pour lui, ça a été, et il dit ça, je sais plus où exactement, pas dans les récits de la Kolyma, mais ailleurs, il dit que ça a été le commencement de sa vie morale. Le moment où il a pu montrer, éprouver ce qu'il était comme homme. Et je sais plus s'il utilise le mot de courage, mais c'est bien de ça dont il est question. Mmh. Donc oui, l'arrestation, et on va se retrouver sans doute dans ce que, si on veut continuer à parler la langue de Jean Kelevitch, un courage qui va être plutôt défensif ou statique que le courage que connaissent bien les stoïciens. C'est-à-dire, quelle différence entre les deux ? La différence, c'est on n'est pas dans l'action. Le courage, dit Jean Kelevitch, et ce dont on parlait là jusqu'ici, c'est plutôt le courage d'une action, ouais. du moment où on décide de s'échapper de prison, de tenter quelque chose qui va nous mettre en risque. L'arrestation, on subit l'arbitraire et on est tout à fait limité dans les possibles. Et donc c'est un courage très différent que celui de se retirer dans sa citadelle intérieure, mais c'en est un, dit Jean Kelevitch. C'est le courage des stoïciens, ouais. Que dire d'autre là-dessus ? Est-ce que c'est ce que vous vous dites quand vous êtes arrêté, que vous comprenez que ce sont des agents du FSB qui sont venus vous arrêter, qui vous jettent en prison à ce moment-là ? Vous vous dites que c'est du courage qu'il faut, que c'est du courage d'arrêter ? Oui, moi ce que je décris, bon, on peut vous dire ce que je décris, on verra après si c'est du Jean Kelevitch ou pas, parce que bon, il n'y a pas que Jean Kelevitch dans la vie non plus. Moi je me mets en alerte et le moment de ce choc, c'est le moment de la plus grande attention aux moindres détails. C'est la situation de celui qui se trouve en état de survivre. Hein. Mmh. C'est quand même ce que dit Jean Kelevitch. Dans ce genre de cas, on peut, où on a peu le choix, où l'action est restreinte, on peut subir, ou alors on peut, dit-il, assumer ce qui va se passer. C'est le mot qu'il utilise de la même manière que quand la mort arrive et qu'elle est inéluctable, on peut la subir, ou alors aller au-devant et assumer. Peut-être que la lecture de certains textes de philosophie aide, et de littérature hein, aussi beaucoup, aide à faire face à une arrestation. Ouais. Vous y croyez, ça ? C'est ce que j'écris, c'est ce que je crois. Ouais, c'est ce que je crois profondément. Mais c'est difficile. Alors, c'est difficile parce que je ne suis pas tout à fait conscient de ça, en fait, et je ne suis pas forcément tout à fait capable d'en parler. C'est un long travail, je crois. La manière dont un texte de philosophie ou un texte de littérature infuse en soi et nous transforme, même dire ça, c'est compliqué en fait. Ouais. C'est quelque chose de très compliqué. Je suis sûr que j'ai été transformé par mes lectures. Mais comment exactement évidemment que c'est pas un rapport de maître à disciple. Je suis pas disciple de Jean Kelevitch et c'est pas évidemment. Enfin, ça serait un contresens d'ailleurs. C'est pas ça qui m'a intéressé en lui, mais dans lui, dans ses textes. Mais c'est sûr qu'ils ont infusé en moi d'une certaine manière. Vous êtes peut-être plus capable d'ailleurs que moi de le dire. Non, je crois pas. Et surtout, je pense que on a chacun un rapport différent. Oui. Mais la question m'intéresse particulièrement parce que c'est une manière de présenter l'utilité de la philosophie aujourd'hui ou même de la lecture en général que de dire ces livres ont changé votre vie, ils vont vous venir en aide. Et donc, c'est intéressant de voir de quelle manière ce lien se fait. Est-ce que c'est de l'ordre de la survie ? Est-ce que c'est de l'ordre du soutien, de l'encouragement pour filer la métaphore du courage ? Ouais, c'est tout ça. C'est, vous savez, c'est ce moment. Alors, ça a été raconté par plein d'écrivains différents. C'est l'exemple des déportés à Auschwitz ou autres qui se rappellent des moments de poésie. Et, ouais. et c'est ça qui leur a donné la force. Bon, moi, je raconte un peu mon rapport à Villon dans certains contextes. Donc, oui, il y a ça, et c'est extrêmement puissant, mais ça, on peut s'en rendre compte. C'est vraiment pas une position, c'est pas une posture, je veux dire. C'est pas une posture d'écrivain, ou vraiment pas, et c'est vraiment pas ça dans ces moments-là. Mais la force, la grâce des mots peut nous aider dans ces moments-là, et peut-être aussi des restes de philosophie. Mais alors, en fait, c'est aussi un test pour voir ce qui reste d'une philosophie. Ouais. Est-ce qu'on en a gardé ? Donc moi, j'ai gardé la citadelle intérieure de Marc Aurèle. J'ai gardé Pierre Hadot, en fait, aussi. C'est de ça que j'avais... Et puis, sans doute, Jean Kelevitch. Des formules, là, de Jean Kelevitch, dont celle-ci que je lui vole, là, que j'ai pu en tête. L'homme brûle de faire ce qu'il redoute. C'est un texte magnifique, justement. On va y venir sans doute après. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un texte de Jean Kelevitch qui parle de l'inconscience de l'écrivain, qui lui-même va choisir de se mettre à écrire et ce qui fait que le courage qu'il faut pour entreprendre, de trouver les mots pour décrire ce que nous sommes en train de vivre. L'acte d'écrire exige une parfaite innocence. Et l'innocence est de plus en plus rare dans ce guignol philosophique où l'opinion des autres et la gloire de paraître sont reines. Où tout commence par un manuscrit et finit par un manuscrit. La fragile innocence, l'éphémère modestie sont à la merci de la moindre réflexion de conscience. Et la conscience a tôt fait de les déniaiser. Pour s'abstenir de ce regard sur soi qui est initiation à la vanité littéraire, pour refuser cette grande représentation théâtrale qui s'appelle la vie, une spontanéité à l'abri de toute tentation serait nécessaire, ou si la spontanéité fait défaut, une vigilance de chaque instant. Car il ne suffit pas de renoncer au confort petit bourgeois d'un cénacle, si c'est pour se laisser enfermer dans l'absence de cénacle. À quoi bon refuser de sculpter notre statut, de nous considérer comme l'auteur de notre œuvre, si c'est pour jouer le rôle du philosophe marginal, si c'est pour vendre du marginalisme, pour devenir le polichinelle de l'inachevé? De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu aujourd'hui. C'est cela le diable qui nous épie, nous surveille et nous guette. La conscience que nous prenons de notre courage le défigure. Elle peut en faire un courage de matamore, c'est-à-dire une caricature. L'aventure n'est pas un danger pour la philosophie, c'est un danger pour les hommes d'État, peut-être pour les ministres des Finances, par exemple. Mais pour les philosophes, pas du tout, étant donné qu'ils ne savent pas eux-mêmes très bien où ils vont. Et ils partent en route, ils se mettent en route, ils prennent leur bâton de pèlerin et ils vont. On sait qu'ils vont, ils vont. Ils sont comme Héros, selon Platon. Oui. Platon dit dans Le Banquet, il fait dire par Diotime, que l'amour est ites, ça veut dire celui qui marche, celui qui va. Mais où va-t-il? Il n'en sait rien, personne ne le sait. Mais on sait qu'il va, comme sur des routes, comme un cheminot, N-E-A-U, n'est-ce pas? Oui. Donc on ne fait pas exception du but de ce voyage. On sait simplement qu'il est en route. Nous sommes en route. Bien, la philosophie, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas Sophia, la sagesse, à laquelle personne n'est arrivé, c'est l'amour de cette sagesse, Philosophia. Oui. Nous sommes à sa recherche, donc nous ne l'avons jamais trouvée. C'est ça. Moi, je l'ai jamais trouvé, en tout cas. Et oui, la philosophie serait d'abord affaire de courage, c'est-à-dire d'un certain goût pour l'aventure. C'est ce que dit Jean Kilevitch dans cette archive qui date de 1978. Et c'est ce qu'il décrit dans le texte que nous venons d'entendre. C'est un extrait de quelque part dans L'Inachevé qui date de la même année d'ailleurs, 1978, dans lequel il essaye de cerner ce qu'est ce rôle du philosophe en étant extrêmement dur envers les philosophes ou les écrivains qui veulent se revendiquer comme étant marginaux. Dès lors qu'il y a une posture pour Jean Kilevitch, on n'est plus dans la sincérité et donc on n'est plus dans le courage, voire même on est à côté de notre propre vie. Il est très dur à l'égard de ces postures. Johann Barbero. Oui, et puis alors ce qui me frappe aussi dans ce texte quand même, c'est que si on reprend la question là, que pose Béatrice Berlowitz, elle pose la question quand même de l'écrivain. Il répond à la question « Vous rêvez d'un écrivain qui divulguerait par ses écrits un secret dont il ne serait pas le dépositaire ?» Béatrice Berlowitz, c'est celle qui lui pose les questions parce que quelque part dans L'Inachevé, c'était un entretien en fait, oui. La publication d'un entretien. Oui, ouais, magnifique d'ailleurs. Très très beau. Et donc là, il y a quand même une confusion assez intéressante, c'est qu'elle lui pose quand même plutôt la question de l'écrivain, pas tout à fait de l'écrivain philosophe, j'ai l'impression, et lui répond, un peu entre les deux d'ailleurs, comme s'il était là, quelque part, entre la littérature et la philosophie, ce qui est une critique qu'on lui a faite, hein, mais qui n'est pas une insulte pour moi. Et alors, je crois que ce qu'il y a dans ce texte-là, c'est la vaste et grande question de l'inspiration, en tout cas dans le domaine de la littérature, des écrivains, l'inspiration versus le travail. Ceux qui croient, alors si on revient à Platon, puisque Jean Kilevitch était en train de citer Platon, là c'est dans Ion ou dans le Phèdre, cette question de l'inspiration, où Platon, par la voix de Socrate, dit que le poète qui se contenterait du métier, du travail de poète, est en fait un poète raté, et que le véritable poète, c'est celui qui délire, celui qui se laisse aller au délire des muses, à une forme d'inconscient. Et alors je crois qu'il y a de ça dans Jean Kilevitch. Il aurait peut-être aimé, mais il peut pas, parce qu'il reste philosophe, mais il aurait peut-être aimé se laisser aller au délire de l'inspiration, au délire des muses. Est-ce que le philosophe ne peut pas délirer, vous pensez? Pas complètement. Je pense pas. Il peut pas. Alors c'est vrai que dans Jean Kilevitch, ça fait parfois cet effet-là. On lit le texte, le premier, là, qui me touchait autant, il arrive presque à une transe. Ça a été souvent relevé, notamment dans ses cours, à l'oral. Cette façon, cette vitesse, en fait, incroyable, où à un moment, il s'essouffle. Et pourtant, il arrive à des espèces de pépites, comme ça. Peut-être qu'il recherche un peu ça aussi. Peut-être. Les écrivains n'ont pas le monopole de l'inspiration. Bien sûr que non. Pour réfléchir. Bien sûr que non. Ce qu'implique l'inspiration, quand même, c'est un lâcher prise. C'est aussi se laisser traverser par des choses qui sont pas du concept, qui sont pas de l'ordre de la réflexion conceptuelle. Quand même, la majorité des philosophes s'y refusent. Mais même l'écrivain, parce que alors attention, cette posture, c'est pas une posture, mais ça peut vite en fait donner la posture romantique un peu ridicule de l'écrivain assis à sa table qui attend la grâce des muses. Mais alors justement, ce qui m'intéresse moi particulièrement dans ce texte-là, c'est que il peut y avoir l'inspiré là qui va se prendre en fait un peu pour le maître du monde. C'est que, comment dire sans vexer personne. C'est l'écrivain qui va se prendre pour le maître du monde, tout puissant. Et puis les muses l'ont élu lui et lui seul. Il y a une autre possibilité, celle que nous offre Jean Kelevitch, là, je pense, c'est que cette inspiration, ce lâcher prise, se laisser traverser par quelque chose qui nous dépasse, ça doit se faire dans l'innocence. Pas dans la toute-puissance, mais dans la fragile innocence, dans l'éphémère modestie. Alors moi, je me retrouve complètement là-dedans, mais c'est peu modeste que de dire. C'est pas très Jean Kelevitchien. Si vous vous proclamez innocent, vous êtes foutu. Non, je me proclame. Non, pas du. C'est pas du tout ça. Je me retrouve dans cette recherche parce que évidemment, enfin, c'est impossible. L'innocence de l'enfant, là, il le dit lui-même d'ailleurs. La fragile innocence, et c'est quelque chose d'impossible. Mais là, je parle juste de sensations, en fait. Dans les moments où j'écris, les moments où je crois que je suis vraiment en train de créer quelque chose, c'est ça. Je me sens pas du tout tout puissant et maître du monde, inspiré par le délire des muses. Mais il y a quelque chose comme un délire. Mais c'est à ce moment-là où je les choses m'échappent et je suis plus innocent, mais au sens de retrouver quelque chose de l'innocence de l'enfant, pas redevenir un enfant. Est-ce que là, vous ne parlez pas de l'innocence qui était la vôtre quand vous avez été accusé à tort et emprisonné à tort, vous étiez innocent? Pas du tout, ou alors c'est mon inconscient qui parle, mais non. Qui sait ? En tout cas, il y a cette phrase dans le texte de Jean Kelevitch qu'on a entendu qui est vraiment tellement d'actualité. Il dit « De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu aujourd'hui ». Il l'écrit en 78, on peut encore appliquer cette phrase à l'époque dans laquelle nous vivons. Et oui. C'est-à-dire que nous ne sortons pas des postures, en fait. Même quand on... Tout faire pour refuser la posture, c'est encore une posture. C'est ça, mais c'est le drame de la conscience. C'est ce que dit Jean-Pierre Lévitch. Un courage qui prend trop conscience de lui-même, en fait, disparaît aussi. Et c'est fini. Donc doit être accompagné d'humilité. Mais c'est pareil, si on appuie trop sur l'humilité ou ce que je venais de faire là, on sent bien qu'on n'est pas juste en fait. Faut trouver la bonne distance. C'est l'image ça. Du papillon et de la bougie. Et si le papillon est trop loin de la bougie, il ne voit rien. S'il s'en approche trop, il se brûle les ailes. Voilà, c'est ça. Et Jean Kelevitch nous conduit à cet inconfort permanent à l'égard de nous-mêmes. Oui. Oui, c'est ce que je recherche dans Jean Kelevitch, c'est ce que je demande à la philosophie de m'inquiéter plus que de me tranquilliser. Puisqu'on parle de courage, il l'a évoqué Jean Kelevitch dans l'archive qu'on a diffusé tout à l'heure, on ne peut pas parler de courage sans parler d'aventure. Alors, est-ce que chaque courageux est un aventurier? Non, nous dit Jean Kelevitch, car il distingue l'aventurier de l'aventureux. Voici le texte après un extrait de L'As des As de Gérard Houry. Allez, pousse-toi, mon petit gars. Elle est pas sympa, ma sœur. Simon, d'après toi, qu'est-ce que je suis, moi? Comment? Quel genre de type je suis, d'après toi? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi, un aventurier? D'Artagnan, Zorro. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. Mais voilà où est le problème, Simon. C'est qu'un aventurier, c'est pas un papa. Tu comprends? Parce que je suis orphelin que tu me dis ça? L'homme aventureux représente un véritable style de vie, au lieu que l'aventurier est un professionnel des aventures. Pour ce dernier, l'essentiel n'est pas de courir des aventures, mais de gagner de l'argent. Et s'il savait un moyen de gagner de l'argent sans aventure, il choisirait ce moyen. Il tient bazar d'aventures et affronte des risques comme l'épicier vend sa moutarde. En somme, l'aventurier est plutôt en marge des scrupules qu'en marge de la vie prosaïque. L'aventurier est simplement un bourgeois qui triche au jeu bourgeois, qui dérange le jeu des bourgeois, qui joue en marge des règles, comme on fait du marché noir. Car de même que le marché noir est une variété marginale, illicite et clandestine du marché, et la bourse noire une variété inavouable de la bourse, de même l'aventure de l'aventurier est une entreprise noire, en marge de la légalité. Les basses aventures aventurières ne sont qu'une caricature de l'aventure aventureuse. C'est un style de vie que nous voulons décrire, et non pas un système d'existence. Car une vie entreprenante n'a rien de commun avec le métier d'entrepreneur. Dans une continuation aventurière, le cheval d'industrie s'installe bourgeoisement. Dans l'aventure innocente et désintéressée, l'aventuré, l'aventureux, est toujours un débutant. Un aventurier ou un aventureux sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est Jean Kilevitch qui pose la question et on essaye d'y répondre aujourd'hui en compagnie de l'écrivain Johann Barbereau. Encore un texte incroyable, hein, Johann Barbereau, s'il en a envie de l'apprendre par cœur, tellement il paraît pertinent. La réponse de Belmondo, hein, Joe Cavalier dans L'As des As, est assez satisfaisante. Si un aventurier, c'est quelqu'un qui est heureux quand il nage dans les emmerdes, alors oui, je suis un aventurier. Et ça correspond à la définition qu'en fait Jean Kilevitch. Oui. On voit très bien de quoi il parle, l'aventurier, l'aventurier. Si on parle des écrivains, là, on voit toute cette cohorte d'écrivains voyageurs, vous voyez, qui préparent à l'avance leur prochaine aventure. Bon, bah, ça, c'est l'aventure falsifiée. C'est un système de vie. Si ça devient un système de vie, dit Jean Kilevitch, eh ben, on est dans la falsification. Il faut que ça soit un style. C'est le mot important. Un style qui laisse libre cours, dit-il aussi ailleurs, à l'improvisation. Et c'est ça. On peut pas planifier ses prochaines aventures. Forcément, il y a quelque chose de l'ordre de l'improvisation. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, c'est le kairos. C'est le moment qu'on saisit, c'est ce petit dieu grec ailé qui a une petite touffe de cheveux et on l'attrape par les cheveux. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le moment opportun. Saisir le kairos, c'est agir au moment opportun. Le bon moment. Être attentif à la temporalité. La bonne action, agir. Bon moment. Oui, c'est ça. Et vous vous sentez plutôt aventurier ou aventureux? Ah bah, quelle question. Aventureux, je trouve que le mot est peut-être pas très bien choisi là, il sonne un peu ça c'est une question de style mais j'aurais pas choisi ce mot. On n'aurait pas choisi le mot de Jean Kilevitch. Non, j'aurais fait l'inverse en fait. C'est-à-dire j'aurais mis le dépréciatif sur aventureux parce qu'aventureux ça sonne un peu comme quelque chose qui ne va pas et j'aurais mis le amélioratif sur aventurier. Mais bon, peu importe, ça c'est du détail. Non, mais moi je suis pas du tout un aventurier. Je me suis jamais défini comme ça et je n'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai été embarqué dans des aventures que je n'avais pas choisies. D'où ces situations où je me suis retrouvé à improviser et à trouver peut-être un style, ma voix. Mais ça n'a rien à voir en effet avec un système de vie. Mais ce que dit très bien Jean Kelevitch, c'est que le goût de l'aventure donc n'est pas un système, ça vous l'avez dit, c'est pas un projet de vie. Il n'y a pas moins aventureux que l'entrepreneur qui en fait n'entreprend pas grand-chose puisqu'il planifie tellement son entreprise qu'il est plus dans le caractère d'entrepreneur vis-à-vis de l'existence. C'est qu'au fond, celle-ci, l'aventure se loge dans les détails et tout le travail de Jean Kelevitch et surtout dans le traité des vertus et encore plus dans ce chapitre sur le courage est d'attirer notre attention sur ces petits moments, vous parlez du kairos, qui constitue notre existence et de pouvoir saisir l'un de ces moments pour bifurquer, pour aller ailleurs que l'endroit où on avait prévu d'aller. Mais c'est extrêmement épuisant, ça demande une attention de chaque instant, ça demande une espèce de mise à l'épreuve de soi en permanence. Et c'est pour ça que votre expérience est intéressante, Yoann Barbereau, parce qu'étant vous-même emprisonné ou en fuite, vous êtes dans cette épreuve de vous-même permanente. Lorsque vous décidez de fuir, vous saisissez un moment et vous agissez. Est-ce du courage? Est-ce de l'aventure? En tout cas, c'est un moment où il y a une décision. Et cette attention-là que nous révèle Jean Kelevitch, elle a quelque chose de très précieux parce qu'on n'est pas toujours attentif à ces moments-là. Oui. L'attention au détail, ça c'est sûr. Et puis, pour poursuivre, c'est ces paradoxes, en fait, qui existent, c'est ça, en fait. Les détails, et il met le doigt sur ces paradoxes. Dans l'aventure, dit-il, on est constamment aussi entre le jeu et le sérieux. Mmh. Et ça me parle aussi beaucoup. Il faut, en fait, une part de jeu, y compris quand on met sa vie en jeu. Justement, si on est seulement dans le sérieux, on est dans la tragédie et on risque de ne pas s'en sortir. Et alors Jean Kelevitch, qui avait beaucoup d'humour aussi dans sa vie et dans ses textes, c'est une arme. Il pointe ces petites choses importantes. La véritable aventure, pareil, hein, c'est une aventure où la vie est en jeu. Hein, c'est de ça dont il est en train de parler. La vie est en jeu, certes, mais l'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. Voilà, on a une attirance, c'est un espèce de vertige. Et c'est là que la vie vraie peut exister, peut-être l'espace d'un instant. Il le dit, hein, avant d'en arriver à ce passage, en effet, où il dit que l'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus, il le dit, le courage n'est pas un savoir, mais une décision. Et ça, c'est redoutable, parce qu'on se dit qu'on pourrait apprendre à être courageux, que la lecture des livres de Jean Kelevitch peut nous rendre courageux, mais non, en fait, c'est pas une affaire d'accumulation de connaissances, c'est une décision. Oui, mais c'est une décision qui peut être informée par toute cette espèce de bagage, conscient ou inconscient, mais plutôt inconscient, qu'on a. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des cols du courage, non. Mais on ne peut pas dire qu'on peut s'y préparer réellement. Ce serait. En tout cas, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est des moments presque d'inconscience. C'est tout d'un coup, vous décidez d'agir. Oui. Et de fuir. Et c'est aussi tous ces passages dans Jean Kelevitch où il dit ça se passe dans la nuit. Oui. Ça se passe dans la nuit, c'est une décision qui se fait, qui s'opère dans la nuit. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, on a tout calculé. Alors si je prends mon cas, on a tout calculé, on a étudié les cartes satellites, on sait à peu près où on veut aller, ce qu'on doit faire. Donc attendez, rappelez quand même le contexte. Oui. Vous voulez fuir de quoi à ce moment-là? Alors donc, je fuis la prison, je suis... Alors, prenons le dernier moment. Je me suis caché dans l'ambassade de France, et puis ce qui me pend au nez, en fait, c'est que ma situation va être révélée un peu à la. Je risque de me retrouver, toutes choses égales par ailleurs, dans la situation d'un Julian Assange, ou coincé dans une ambassade avec les polices qui font le siège de l'ambassade. Et puis, c'est plus une vie. Ça peut durer comme ça 10 ans, 15 ans. Et puis, je suis accusé de choses graves qui mettent en cause ma paternité, mon rapport à ma fille aussi. Et donc là, je décide de m'enfuir, donc de quitter la Russie, de déjouer le système de sécurité de l'ambassade, et puis de franchir illégalement la frontière. Donc une forêt de nuit avec le risque des loups, mais bon, c'est presque marginal comparé aux les bêtes véritables. Ce sont les snipers, puisque c'est une frontière qui est en partie militarisée, et c'est un endroit qui fait l'objet d'un désaccord entre la Russie et l'Estonie. Je décide de passer à cet endroit-là parce que c'est possible de passer à cet endroit-là. Je sais qu'il y a un trou de souris. C'est pas suicidaire. Mais ça se passe dans la nuit. D'ailleurs, je traverse la forêt de nuit. Pourquoi ? Parce que je maîtrise pas tous les paramètres et que je peux y rester, évidemment. Et c'est ce que dit Jean Kalevitch aussi, en fait. Le surhomme qui a tous les paramètres en tête et qui fait quelque chose de dangereux, mais s'il sait qu'il a toutes les armes avec lui et qu'il maîtrise tout, c'est pas du courage. Le courage, c'est évidemment, c'est de jouer. C'est de jouer sa vie à un moment sans tout maîtriser. Mais juste pour que les choses soient claires, pourquoi est-ce que si vous êtes accusé à tort, l'ambassade de France ne peut pas vous rapatrier en France ? Ah oui, alors là, c'est l'histoire du livre. Parce que à ce moment-là, ma présence est secrète au sein des murs de l'ambassade. Et puis, il y a une raison quand même. Il y a un plan d'exfiltration. Il y a des agents de la DGSE qui viennent me voir. Je pense que, je crois que c'est une affaire de lâcheté, mais j'en suis pas certain. Mais lâcheté de la part de qui ? Un président à l'époque a sans doute décidé de lancer une action pour m'exfiltrer, et celui qui va arriver décide de tout arrêter. Parce que si deux agents de la DGSE se font prendre avec moi à la frontière, enfin, vous voyez ce que ça peut donner en termes. Parce que je suis pas un enjeu diplomatique suffisant pour qu'on prenne des risques pour moi. Oui, alors pourquoi être accusé à tort en premier lieu C'est la raison d'État. Comme le disait Solzhenitsyn sur le texte sur l'arrestation, pourquoi vous ? Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvé dans cette histoire-là ? Si vous n'êtes pas un enjeu d'État ? Oui, alors ça demanderait de longs développements. Mais alors, mon histoire, moi, au départ, je travaille à Irkoutsk, Sibérie orientale, dans un contexte où la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Je suis très proche du maire de la ville, qui est un opposant notoire à Vladimir Poutine. Je suis scruté, observé, en phase de séparation avec ma femme. Et tout ce contexte fait que, moi, c'est l'explication que j'ai aujourd'hui, hein, la plus... Je la donne rapidement. Un serviteur zélé du pouvoir, le chef du FSB local, décide de s'en prendre à moi parce qu'il se dit que c'est bon pour sa carrière. Et c'est ça, c'est une espèce d'histoire assez... médiocre, hein, au départ. Et puis, je vais devenir enjeu de discussion, et puis on va discuter ensuite pour m'échanger, parce que c'est une espèce de prise d'otage, en fait, au départ. On appelle le compromat. Oui, le compromat. Donc, fabriquer des documents pour compromettre quelqu'un, l'éliminer, s'en débarrasser, ou en faire aussi un objet de négociation et d'échange entre États. Donc je me suis retrouvé dans des affaires qui me dépassaient complètement. Et à un moment, oui, je prends des décisions pour ma liberté, et puis c'est une histoire d'honneur aussi. Ce que les mots que j'ai pas prononcés là, c'est je suis accusé de diffusion de documents pédopornographiques et ensuite de viol de ma propre fille. Donc c'est ça. Et quand on a cette espèce de boue, de tache, de stigmate sur le front, eh bien, il faut tout faire pour se sortir de ça. Alors il y a les évidences de la manipulation, il y a le combat juridique, ça je l'ai mené. Mais une fois qu'on est devenu cet otage et que de toute façon on va être condamné, parce que c'est comme ça, parce que les choses sont allées trop loin et que les salauds que j'ai sur le dos peuvent pas se dédire. Donc très bien, il y a des enquêtes journalistiques qui montrent un peu ce qui s'est passé, qui montrent que là-dedans je suis une victime, certes, mais ça suffit pas, en fait. Je peux pas rentrer, en fait, la tête basse. Et alors là, c'est peut-être le rapport aux autres aussi. Et ce qui est touché profondément pour moi à ce moment-là, c'est le rapport à ma fille. Est-ce que je vais rentrer la tête basse en ayant accepté ces accusations, en ayant accepté un espèce de deal minable où je ferai juste encore quelques mois et puis ensuite je suis libéré? C'est pas possible, en fait. Je peux pas accepter ça. parce que je suis innocent à ce moment-là. Donc c'est ça qui va forcer, si on veut, les actions. Mais j'ai même pas envie, je sais pas si c'est des actions courageuses. D'ailleurs, les vrais courageux dans le livre, ce sont surtout des courageuses. Ce sont un homme et deux femmes russes dont je parle, mais dont je peux pas dire grand-chose dans le livre, qui elles, ces personnes, ont tout risqué au nom de l'amitié, de l'amour, de beaucoup de choses. Et elles n'avaient rien à gagner. Pour vous aider. Pour m'aider, voilà. Les vrais risques physiques, je les ai pris seuls, mais en réalité, les vraies courageuses, ce sont elles. Parce que si on veut revenir à Jean Kelevitch, il y a une part de sacrifice dans le courage, dit-il. Et le sacrifice, c'est on le fait pour autrui. Donc, je crois que oui, c'est ça. Les vrais courageux usent de leur courage pour une cause ou pour aider un autre. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes blanchi, vous avez été indemnisé. Oui, alors aujourd'hui... Interpol a levé l'alerte. Aujourd'hui, j'ai gagné devant la justice, devant plusieurs instances, oui. Mais vous comprenez, en fait, c'est ce que j'étais en train de raconter là, c'est que quand, j'ai beau avoir eu la chance d'avoir des enquêtes journalistiques indépendantes qui ont montré ce qui s'était passé. J'ai eu la chance de gagner en justice devant le tribunal administratif en France, puis aussi la notice rouge Interpol a été levée. Vous ne recevez pas un bandit internationalement recherché ce matin. Depuis quelques semaines, c'est plus le cas. Oui, mais... Ça suffit pas parce que c'est l'art du compromat, en fait. On vous met la pire accusation sur le dos pour ça exactement, pour qu'il en reste quelque chose. C'est cette phrase horrible du le pas de fumée sans feu. Il en reste toujours quelque chose. Et j'aurais beau m'être débattu et faire tout ce que j'ai essayé de faire pour effacer ça, pour montrer en fait l'injustice et l'arbitraire, il en reste quelque chose parce que c'est ça, c'est le compromat. L'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. Curiosité passionnée et délicieuse horreur, la tentation de l'aventure n'est pas sans rapport avec le vertige. L'abîme béant n'est-il pas aussi la menace du néant ? Dans le vertige, nous lisons l'attirance paradoxale et diabolique de la mort, qui en est l'élément ésotérique ou cryptique. Mais un puissant réflexe de conservation complique cet attrait. Et de même, nous lisons dans la passion vertigineuse de l'aventure ces deux sentiments contrariés, d'une part la terreur du risque inconfortable qui menace notre installation dans l'intervalle et l'économie de nos arrangements quotidiens, d'autre part, la folle envie de profaner en secret, de déchiffrer le mystère de l'avenir, de lever l'hypothèque de la possibilité en instance. D'une part, la timidité au seuil de la nouveauté, d'autre part, la vocation de la futurition, le confort de l'intervalle et la dangereuse passion de l'instant effectif, la jouissance de continuer et la joie de commencer ou de créer, car la création aussi est aventureuse. Tantôt prédomine l'envie héroïque du péril, de la guerre et de la catastrophe, et tantôt l'horreur bouche l'envie. Mais dans les deux cas, la tension qui se crée entre l'horreur du vide et le désir hasardeux peut aller jusqu'à l'angoisse. Johann Barbereau, le voilà, le texte que vous citiez, que vous avez cité à plusieurs reprises au cours de cette émission. On le trouve dans un recueil de Jean Kelevitch qui s'appelle « L'aventure, l'ennui, le sérieux ». L'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. C'est cette phrase-là qui vous parle le plus, je crois. Oui. Bah oui, mais je crois qu'on a déjà presque tout dit là-dessus, non ? C'est la force pour moi de Jean Kelevitch, en fait. C'est de mettre le point sur ces choses, c'est la paradoxologie. C'est son terme, hein, la paradoxologie. Ouais, c'est ça. Ce goût du paradoxe, on entend bien dans le texte que je viens de lire. Mais oui, mais qui nous ramène à ce qu'on est, en fait, à l'humaine condition. C'est ça, en fait. Parfois, on est entre ces contradictoires-là qui ne sont pas tellement si contradictoires que ça. Voilà, on est attiré puissamment par quelque chose qui pourtant nous terrorise. Et puis il va falloir mettre de côté la terreur, mais ne pas se laisser complètement happer par les sirènes de l'aventure, parce que là on risque d'y rester. Et donc c'est ça, être constamment sur ce fil, et c'est ce fil là qu'il décrit de manière particulièrement puissante pour moi. Ouais. Mais une chose, et on terminera là-dessus, une chose est de lire ceci et de se dire que ça peut s'appliquer à notre propre vie. Une autre est d'arriver à le mettre en œuvre sans tomber justement dans la posture dont on parlait. Et on peut revenir à la phrase de début, le courage c'est pas un savoir, c'est une décision. Mais suffit-il de décider d'être courageux pour y parvenir? Est-ce que ce sont pas aussi les occasions parfois qui créent le courageux? Bah si. C'est ce que votre livre semble raconter quand même. Oui, mais c'est ce que dit Jean Kelevitch aussi, hein, évidemment ce sont les occasions, puisque... C'est pas si clair, parce qu'il a l'air de dire que le courage vient de la personne et pas des occasions. Oui, mais alors ça dépend, puis il distingue aussi des types de courage, mais là on arrive au bout, je crois. Je sais pas, de toute façon, on en arrive toujours à cette histoire de s'approcher de l'impalpable, c'est ce qu'essaye de faire Jean Kelevitch, il tourne autour en essayant de manier la contradiction sans trop se contredire, mais... On peut que s'approcher un peu de cette notion, mais oui, il est certain que en définitive, le moment de passer à l'action, il faut un peu d'inconscience et il faut mettre un peu en parenthèse ces facultés d'analyse. Oui. Et il faut savoir finir, ce qui demande non moins, pas moins de courage que de savoir commencer. Et alors pour terminer cette discussion, je vais renvoyer au texte de Jean Kelevitch qui s'appelle donc C'est le traité des vertus, le premier volume Les vertus et l'amour. On y trouve les pages sur le courage dont on a parlé ce matin. Et puis votre livre, Johann Barbereau, il s'appelle Dans les geôles de Sibérie. On le trouve aux éditions Stock. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Jean Kelevitch ce matin. Merci à vous. Et on se quitte en pied de nez à Jean Kelevitch qui distingue l'aventureux de l'aventurier pour favoriser le premier. On se quitte avec l'aventurier, celui de Bob Moran. Ah bah oui. De Jean Kelevitch jusqu'à Indochine et jusqu'au corps féminin. La série sur le corps féminin qui était initialement programmée cette semaine est reprogrammée la semaine du 1er mars. Le programme, je vous le rappelle, lundi, philosophie du clitoris. Mardi, on parlera de l'utérus qui a donné son nom à l'hystérie. Mercredi, phénoménologie des seins. Et enfin jeudi, on parlera de la chevelure, notamment dans les religions. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Laurence Malonda a réalisé pour vous cette série d'émissions. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série des Chemins autour de l'origine des espèces de Darwin. On s'interrogera sur l'origine de cette origine, l'origine d'une théorie. Lundi, on se demandera ce qu'est la sélection naturelle mardi. Pourquoi les zèbres sont-ils rayés? Ce sera la question du mercredi et enfin... On se demandera comment le darwinisme a-t-il évolué, s'il est toujours d'actualité. Ça, ce sera jeudi. D'ici là, vous pouvez bien sûr, comme chaque semaine, réécouter cette série d'émissions en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct mais aussi en podcast, en téléchargement, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez.